jusqu'à ce que nous trouvions ce qu'il veut. On ne doit pas être tranquille. Sinon, une œuvre sera non faite. Tronquons, changeons radicalement tout ce que nous avons autour de nous et avec nous comme distraction, comme moyen de distraction pour poursuivre, parce que les jours sont ardemment mauvais. Le moment arrivera où on n'aura pas la tranquillité pour lire la Bible comme ça. Le moment arrive où on n'aura pas la tranquillité pour lire la Bible comme ça. Vous n'aurez pas le temps tranquille chez vous pour vous asseoir en disant que nous allons prier. Il faut que je prie le Seigneur. Lorsque nous avons la tranquillité, cherchons et profitons-en. Profitons-en alors que nous avons la tranquillité. Profitons-en alors que nous avons la tranquillité. Je dis bien, profitons-en alors que nous avons la tranquillité. Le moment arrive où nous ne pourrons pas. Le moment arrive où nous ne pourrons pas lire, s'asseoir ou même avoir le temps d'appeler quelqu'un pour dire frère comme nous. Le moment arrive. Serrons-nous maintenant. Faisons-nous violence. Trouvons des bons, des meilleurs moments. Nos meilleurs moments pour entrer dans l'intimité avec notre Dieu qui nous aime tant. Cherchons-le de toute notre force. Si nous prions, il ne répond pas, il est à l'œuvre. Prions. Il ne répond pas, déposez la Bible, restez tranquille, attendez-le, il se manifestera. Il se manifestera, très certainement. Vous me suivez? Amen. Le Seigneur Jésus a promis que le moment où il va venir, quand ça, les choses subites vont être jetées sur la terre, alors que les gens sont sur la terre, ce sera le moment de distraction. Il suffit seulement de lire la Bible là-bas et voir des choses là. Ben, plusieurs moyens de distraction sont mis par l'ennemi. Et le véritable problème, c'est que nous ne voyons pas que c'est l'ennemi qui est derrière. Parce qu'on s'attend à ce que l'ennemi fait toujours quelque chose de mauvais. On s'attend à ce que l'ennemi fasse toujours quelque chose de mauvais. Que ceci est mauvais, c'est parce que ceci est mauvais. On ne voit pas de mal qu'il y a derrière. Vous me suivez? Le Seigneur a dit que prenez garde. Prenez garde que ces jours-là ne viennent suivre à l'improviste. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent. Vous entendez ce qu'il dit? Ne s'apesantissent pas le manger et le boire. Vous entendez ça? Et que ces jours-là ne viennent suivre. Le manger et le boire. Donc, Dieu en a dit par là qu'évitez les fêtes. C'est là où vous allez manger, vous buvez. Évitez cela, que ça ne vous distrait pas. Que ces choses ne vous distraient pas. Il dit, et les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Ouais, qu'est-ce qu'il veut faire demain? Ouais, qu'est-ce qu'il veut faire? Ouais. Me voici avec les diplômes. Ouais, je ne suis pas encore marié. Ouais, mon mari va venir quand? Ouais, je vais habiter où? Ouais, je vais payer le bail avec quoi? Ouais, les soucis de la vie. Lorsqu'il parle sans parabole, on ne veut pas comprendre. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Il a dit ça. Est-ce qu'il y a besoin d'interprétation? Ce n'est pas clair pour tout le monde. Le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit. Donc, il y a des peines pour chaque jour. Tu es aujourd'hui là, tu n'as pas encore fini les peines d'aujourd'hui. Tu penses déjà à demain. Comment il va épurer les peines de demain? Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous sommes mercredi aujourd'hui. Samedi, il faut que je parte. Nous sommes mercredi aujourd'hui. L'être humain. Samedi, il faut que je parte voir mon oncle. Ça fait longtemps qu'il ne peut visiter. Il habite à Carrière. Dimanche, je dois être à tel endroit. Vous voyez que c'est que quelqu'un en train de faire, un être humain en train de faire à partir de mercredi. Il faut que le Cameroun soit développé à l'horizon 2035. Vous voyez ça? Il faut que le Cameroun soit développé à l'horizon 2035. Il faut qu'il y ait des goudrons partout. Des goudrons partout. Les gens cassent déjà, ils rentrent au village. Ce qu'il veut dire, c'est que sur le plan humain, humainement parlant, il y a des arguments qui peuvent être alignés et que c'est juste. Mais si on entre dans la vérité, c'est satanique. C'est diabolique. Vous me suivez? Il dit, ne cherchez pas, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez vous vêtir. Il dit, ces choses-là, ce sont les païens du monde qui les recherchent. C'est pas ce qu'il crée. Je vous ai raconté mon histoire où, quand Dieu m'a envoyé hors de ce pays, je suis allé là-bas, j'avais 60 francs qui me restaient. Un mois, je prends 7 jours, ça finit. 7 jours, je ne prie. Ma question, c'est, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Il n'est pas obligé de te parler. Il n'est pas obligé de te parler. Il est resté tranquille, il tente de prier, il lit. J'ai faim, il demande pourquoi je suis venu ici là. Après, il me fait lire. Moi, je prêche ça, je lis la Bible. S'il y a des versets dans la Bible, tu dis que c'est faux. Je sais que c'est faux. Il a dit qu'il va lire là-bas. Que je lis encore. Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit que n'es-tu pas païen? Il dit, qui est païen? Tu es un païen. Après, je lis la Bible. Je vois là-bas qu'il a dit là-bas que celui qui demande ces choses-là est un païen. Je dépose la Bible parce qu'il a beau quitter la Bible. Parce que tu peux faire des prières, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Vous voyez pourquoi il est important de lire d'abord la Bible pour soi-même, non? Oui, ne nous soucions pas le lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Vraiment, est-ce que c'est vrai sur ton cœur? Est-ce que c'est vrai sur ton cœur? Oh, les impôts sont venus fermer ma boutique. C'est fermer la boutique. Dieu dit, mais gars, ferme-moi ça pour que cette femme se reste à la maison méditer. Elle dit qu'on peut faire comment? J'ai quelle relation? Tu as quelle relation? Pardon, vois les impôts là qui ouvrent ma boutique. Vraiment, ça fait 3 jours que je n'ai pas vendu. Vous voyez, c'est là où ça en est. Alors que Dieu fait besoin pour la ramener pour qu'elle vienne prier. Elle cherche une voie que Dieu laisse la faire là. Il faut que je vende. Si je ne vends pas, je vais payer la boutique. Avec quoi? Dieu a laissé ses moyens. Il faut être doucement. Tu crois que tu es fort. Il touche encore. Un de ces jours, tu viens que tout a brûlé. Il dit, Seigneur, pourtant j'avais prié, c'est que tu couvres ça par le sang de Jésus. Ça a brûlé même avec le sang de Jésus que tu as bouleversé là-bas. Pour te montrer que le matériel, Dieu ne veut pas que nous soyons absorbés par le matériel, mais que nous soyons absorbés par sa présence. Vous suivez? Dieu désire nous parler. Et s'il y a des moments les plus glorieux de ceci, c'est le moment-ci. Le moment où il y a plusieurs voix. Dieu désire nous parler parce que la parole de Dieu donne la direction. Si vous voulez continuer seulement à écouter des prédications, ça ne sera pas suffisant. Souvenez-vous de ceci. Si vous voulez écouter n'importe quelle prédication, connaissez la Bible n'importe comment. Si vous n'entendez pas sa voix, vous n'aurez pas la direction pour vous. Je vous le dis. Vous allez écouter la prédication pour le général. Mais un cas spécifique vous attend. Parce que ce cas spécifique-là vous fait entrer en fonction avec Dieu. Ce cas spécifique vous fait entrer en fonction avec Dieu. Vous dites, je dois être à Douala, je veux être à Douala. Si Dieu veut que tu sois plutôt en Banga, tu es à Douala, tu as de faire pour qui? Si tu attends en Côte d'Ivoire, tu es au Cameroun. Tu es là pour, au Cameroun pour qui? Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tout ce que tu fais là, c'est pour toi. Faisons attention. Cherchons sa face. Jean chapitre 10. Cherchons la face du Seigneur. Il désire parler. Cherchons la face du Seigneur jusqu'à ce qu'il se révèle. Cherchons. Il désire parler. Il y a un souffle. Qui est en train de souffler? Il y a un souffle. Il désire parler. Il désire parler. Jean chapitre 10. À partir du verset 1. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc le Seigneur dit ici qu'il y a des principes immuables. Il y a des choses qui sont arrêtées de façon immuable. Que vous n'avez pas le choix que de faire comme cela a été positionné. C'est ce qu'il a dit. Donc si on dit que la porte c'est pas ici, quelqu'un doit monter par ici. Justement, vous allez voir que chacun va porter la chaise pour se défendre directement. Pas vrai? Parce que c'est pas normal que qu'un être humain en train de traverser par la porte, par la fenêtre. C'est que c'est un voleur. Continuons. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis. Et les brebis. Soulignez, frère. Si vous avez la souligner, mettez la peinture dessus. Je crois que vous faites à cette jeune femme de porter sa chaise. Elle s'assoit dehors pour nourrir le, donner le lait à l'enfant. Elle est là. Porte sa chaise. Elle s'assoit à l'angle là. Vous êtes là dans ce verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Écoutez le verset 3. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Ah mon Dieu. Le portier lui ouvre. Je ne sais pas si vous saisissez. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. J'aimerais passer une semaine là sur ces deux versets si vous en parlez. Le berger veut entrer. Le portier dit, Seigneur, entre. Les voilà. Quelles sont tes brebis? Il désire leur parler. Ces brebis à lui entendent sa voix. Alors, ils peuvent donner une direction à partir de cette voix qu'ils ont entendue. Je ne sais pas si vous avez lu. Vous lisez ça, frère. Le portier ouvre la porte. Le portier n'est pas le conducteur par excellence des brebis. Mais c'est le bon berger qui est le directeur des brebis. Le portier ouvre la porte pour que les brebis entendent la voix du berger. C'est ça. Donc, le portier est un gardien des brebis. Parce qu'il est là pour que quand le berger vient, il lui ouvre la porte pour qu'il voie ses brebis. C'est brebis. Et brebis sort. Si la brebis ne connaît pas sa voix, que c'est le moment de sortir. Vous voyez ce qu'il en est comme problème, n'est-ce pas? Il vous faut entendre la voix du grand berger. C'est nécessaire et c'est absolument vital pour vous. Il a dit que ses brebis entendent sa voix. Il dit que quand il vient, il entre, il les appelle, ils entendent sa voix, il les appelle dehors, les brebis qui lui appartiennent. Vous avez vu ça? Ok. J'arrive quelque part, regardez. Lorsqu'il a fait sortir toutes, regardez ce qui est écrit là-bas. Après toutes, c'est quoi? Vous avez vu ça? Vous avez vu, frère? Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles. Parce qu'elle. Je ne sais pas si vous me saisissez tout simplement. Je veux que chacun rentre dans sa chambre de secret et cherche cette relation jusqu'à ce que cette relation soit établie. C'est vital pour vous. Si c'est établi, vous ne pourrez pas dire à quelqu'un que est-ce que celui-ci est vrai, est-ce que celui-ci est faux. Le bon berger, quand vous allez entendre, quand il va parler au travers de quelqu'un, vous saurez que c'est lui qui est en train de parler. Vous me suivez? Je veux que vous saisissez ceci bien. Il ne s'agit pas de savoir que le prédicateur est en train de prêcher la vérité. Quelqu'un peut prêcher la vérité, mais t'entraîner dans l'égarement. Il faut que vous sachiez cela. Suivez attentivement. Quelqu'un peut prêcher la vérité. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît la vérité ici, de l'Apocalypse, quoi, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Satan. Il connaît même les moindres détails, même des choses qui sont cachées ici. Et pourtant, il n'entrera pas. Pas vrai? Quelqu'un peut connaître, prêcher cette Bible-ci, et de façon droite, et va en enfer. Vous savez que c'est vrai, pas vrai? Ok. La Bible déclare que Judas avait part au même ministère. Quand le Seigneur prêchait, elle les envoyait deux à deux prêcher, il guérissait les malades, il faisait les mêmes choses. Il ne partait pas dire que repentez-vous juste, qu'il ne passe. Non. Je n'ai pas vrai. Non. Il prêchait la repentance et la pratique de bonne œuvre pour le royaume. Mais lui, il n'est pas entré. Il ne peut pas aller prêcher le contraire. Non, il prêchait la vérité. Donc faisons attention. C'est pour ça que vous allez voir chacune des personnes. Vous ne verrez pas, même pas un sataniste qui est entré dans l'église, même si c'est un marabout qui s'est converti en pasteur. Il travaille à la puissance diabolique. Il ne peut pas venir prêcher que Jésus n'est pas ressuscité pour vous. C'est pour ça qu'il peut écrire là-bas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, sur sa plaque pour vous attirer. Vous me saisissez? Il peut venir là-bas en disant que l'Esprit de Dieu va vous toucher maintenant, vous, tout ce qui est versé, parce qu'il sait que Dieu guérit toujours. C'est la vérité, ça. Dieu guérit toujours. Mais derrière, il a utilisé une puissance diabolique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok. Alors, qu'est-ce qui donc va créer le déclic? La voix du Seigneur. Vous me suivez? La voix du Seigneur. Quand le Seigneur parle en donnant une révélation. Si Satan parle en voulant imiter, en passant par cette même voix pour donner la révélation, tu peux savoir que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous voyez ces choses de Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas? Tu es le fils de Dieu vivant. C'est le Seigneur, c'est le Père qui est dans le ciel qui a ressuscité, qui t'a révélé cela. Mais il faut que je monte à Jérusalem, souffrir 3 jours après ressuscité. Adieu ne plaît, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Arrête de moi, Satan. Vous voyez ces choses-là, n'est-ce pas? même voix en train de parler. Donc il peut dire quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est faux, venant de deux sources différentes. Alors nous, comment on doit faire ou devrait entendre sa voix? C'est vital pour votre vie. Vous devez chercher ces relations-ci à genoux jusqu'à ce que ça soit établi. Ça passe par la méditation. Ça passe par l'abandon. Ça passe par l'amour pour le Seigneur. Chercher, désirer, chercher sa présence jusqu'à ce qu'il se trouve, jusqu'à ce qu'il se manifeste. Que ça va prendre 10 ans, que ça prenne 10 ans. Parce que depuis que vous êtes né, vous voyez à la télévision jusqu'à maintenant, à l'âge de 25 ans, 30 ans pour d'autres, vous n'avez pas laissé, pas vrai? Convertissez ces jours-là. Imaginez que pendant ces 25 ans, vous cherchez à faire de Dieu. Et que c'était révélé. Vous voyez, là, on en est. Le monde se meurt comme ça parce que la majorité d'entre nous, on n'entend pas la voix de Dieu. Parce que si on entend la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu donne la direction de la marche. Entendre la voix de Dieu donne la direction de la marche. Si tous vont comme ça, vroom, de ce côté-ci, courir par ici, grande campagne ici, si le Saint-Esprit dit ne bouge pas d'un cran, tu restes tranquille. Non, pourquoi toi tu sais qui t'a parlé? Vous devez chercher cette relation. Vous devrez absolument chercher cette relation. Il dit que ce sont ses propres brebis qui les fait sortir. Il dit que ses brebis marchent derrière lui. Lui suivez-toi, c'est lui qui marche devant les brebis. Ça suppose que le fils marche, il marche. Le fils s'arrête, il s'arrête. Le fils tourne à gauche, il tourne à gauche. Le fils tourne à droite, il tourne à droite. Les hommes, donc, on dit donc qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ils ne disent pas, les hommes sont des pays, il faut que je sorte pour aller prêcher. C'est pas ça, il faut que je sorte. Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit. Vous voyez la différence maintenant, n'est-ce pas? Descendu à celui-ci, il prêchait Christ. Il se trouva un homme. Vous voyez là, n'est-ce pas? Dans ce livre de Actes chapitre 14. Paul, alors que Paul prêchait, laissait lever, la Bible déclare que vit qu'il avait la foi pour être guéri. Lève-toi sur tes deux pieds. C'est le Saint-Esprit qui est derrière parce que c'est lui qui a envoyé. Si vous allez prêcher, j'ai vu les gens, je suis fatigué, personne n'a cru. Qui t'avait envoyé? Souvenez-vous ce qu'il a dit là-bas. Jésus, étant sur la terre, a dit, de même quand le Fils ne peut rien faire sans au préalable voir le Père faire. Le Père parle, il parle. Bouge, il bouge. Le Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'ai agi. Et c'est parce que c'est jusque-là. Il est absolument nécessaire et vital que nous ayons ces relations. C'est nécessaire que nous ayons ces relations. C'est nécessaire que nous cherchions ces relations. Voilà pourquoi le Seigneur nous a amenés ici aujourd'hui. Pour aujourd'hui particulièrement. Dieu est en train de nous faire des reproches que nous avons abandonnés au profit de nos problèmes de chaque jour. Dieu est en train de nous dire que nous avons abandonné ses voies au profit de l'argent. Dieu est en train de nous dire que si nous continuons sur cette voie-là, nous sommes en train d'aller sur le chemin de Balaam. Dieu est en train de nous dire de faire attention. Dieu est en train de nous donner pour chercher certains d'entre nous ici que de faire attention parce qu'il va frapper là où nous nous attachons. J'espère que vous avez saisi. Verset suivant. Elle n'est, nous sommes au verset 5 là, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc on peut lire le verset autrement. Pourquoi ne suivons-nous pas Christ dans nos voies? Parce que nous avons entendu plutôt la voix des étrangers. Et par conséquent, nous sommes conduits, les étrangers sont devant nous, nous sommes conduits par lui. Vous voyez ça? Ce sont les étrangers qui marchent devant nous, maintenant nous suivons les étrangers. Mais si nous suivons la voix, nous entendons la voix du Seigneur, il marchera devant nous, celui que nous suivrons. Et la Bible déclare que le discernement de la voix de Dieu permet de discerner la voix de l'ennemi. C'est ce qui est écrit là-bas. Parce que si le Seigneur parle, et il te parle et que ton cœur est ouvert. Souvenez-vous, c'est la méditation qui amène ça. Souvenez-vous, la méditation permet de nettoyer le cœur. Souvenez-nous, la méditation doit nettoyer tout ce qui est dans le cœur. Le meurtre, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, ça doit nettoyer. C'est le nettoyage. Quand ça va faire, toutes ces voix-là vont passer, il va parler. Alors vous pouvez savoir maintenant la voix sainte du Seigneur. La voix sainte du Seigneur. Vous dites, je fais n'importe comment, il m'énerve. Il y a la haine pour lui. Vous faites l'effort de le faire parce que vous faites l'effort à l'extérieur sans avoir travaillé à l'intérieur. Si l'intérieur est là, vous allez avoir de la compassion même pour vos ennemis. Vous allez commencer à comprendre comment quelqu'un peut-il aimer son ennemi parce que l'intérieur a été traité. Quand l'intérieur est traité et que la nature de Dieu est déposée sur le cœur, vous commencez à le regarder comme ça, comme Dieu lui l'a dit de regarder. Et ça vient seulement par la méditation. On ne déposerait pas la main comme ça pour que cette nature-là change dans le cœur. Jamais. C'est ça. Hein? Il faut que ça soit nettoyé. Nettoyé par la parole. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Vous avez lu ça dans la Bible? Ce n'est pas la parole. Déjà, vous êtes peu à cause de la parole que vous avez écoutée. Si ça sort de sa bouche, nettoie. Lève-toi, les pieds deviennent fermes. C'est ce qu'il a dit. Vois, quand il a parlé, les choses changent. Vous avez entendu ça, frère? Il faut qu'il nous parle. Il faut qu'il nous parle. Et nous avons des rôles à jouer. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Je veux pas de questions. D'accord? Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Vous avez vu ce qu'il a dit? Donc le Seigneur ne les parlait depuis là en parabole. La Bible déclare que ceux qui étaient devant lui ne comprenaient pas ce qu'il parlait. Qui parmi nous ici a déjà lu ce Jean chapitre 10? Donc sans exception, tout le monde a lu. Ok. Avez-vous aussi compris? Ou bien vous êtes dans le groupe de ceux qui étaient là-bas? Vous avez compris? Vous avez compris qu'il est nécessaire de chercher la voix du Seigneur? Vous n'avez pas compris cela? Verset 7. Jésus le dit encore. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. La porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Regardez dans votre Bible. C'est la même Bible. Qu'est-ce que vous regardez sur ma bouche là? Regardez. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Vous entendez? Maintenant, regardez. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Mais nous sortons aujourd'hui pour aller chercher des pâturages sans entrer par la porte. Ça veut dire quoi? Nous voulons dépendre de nous-mêmes, de nos propres efforts, pour réussir sans dépendre de Jésus. Mais pourtant, nous professons son nom. Vous voyez le paradoxe qui est là? Nous, nous devons nous appuyer sur le Seigneur pour faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous le confessons des lèvres dans la pratique. Souvenez-vous de ce qui a été dit ici là. On prêche, on est sous la grâce, on est guidé par la grâce, dans la grâce, mais dans la doctrine établie, on remet cette grâce-là en voulant marcher par nous-mêmes. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira et il trouvera le pâturage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, remarquez bien, on dit que la Bible déclare que beaucoup de personnes sortent très tôt pour aller chercher le pain, mais Dieu donne ce pain-là à ses serviteurs, donc ça se le couche. Pas vrai? Maintenant, nous avons lancé les défis au monde. Il se lève à 5, nous nous levons en 4 heures pour chercher de l'argent. Parce qu'on a compris qu'il faut se lever très tôt. On a dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, dans le sens où on se réveille dans le plan de Dieu. Ça nous appartient. Pas qu'on se lève comme ça là, très tôt le matin pour aller faire comme ça, faire feu le béni. Tu fais feu le béni, tu peux tomber dans l'huile. Chaque 5 heures, tu fais chaque 5 heures. La vie appartient vraiment à ceux qui se lèvent tôt. Il faut vraiment se lever tôt. Mais pas de cette façon là. Pas de cette façon pour chercher l'argent à outrance. 7 heures en arrivant, tu es en train de dormir comme ça, tu dors, tu dis 50, 25. Là, tu fais la tête comme ça, comme la chèvre qui est en train de dormir. Toujours à cause de l'argent. Il dit qu'il est la porte du brebis. Si quelqu'un entre, il sortirait, trouver le pâturage. Parce que Dieu peut guider. Élie, descend là-bas. Il y a la sécheresse dans le pays, descend là-bas au torrent. Parce qu'il lui a indiqué là où il y a de l'eau à boire. N'est-ce pas, mes chers amis? J'ai ordonné là-bas au corbeau. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Va de ce côté-ci. Va de ce côté-ci. Vous voyez comment Dieu peut guider. Vous pensez que comme il a dit cela là-bas, il ne peut plus le faire. Ne conduit-il pas les gens? Regardez Isaac à Guéra. Ah, les gens creusent le puits. C'est quand ses serviteurs à lui creusent, pas le sol. C'est pas le même sol où ils sont là-bas. Est-ce que c'est? Regardez Joseph en Égypte. Potiphar, c'est un sataniste. Un sataniste pur. À l'instant où il a pris Joseph comme esclave. Joseph fait n'importe comment. Le gars est resté derrière comme ça là. Il a vu que tout ce que Joseph faisait prospérait. Il a dit, mon cher ami, tu as l'intérêt de ma maison. Un sataniste a compris qu'il faut exploiter l'enfant de Dieu ici. Que quand le gars la touche, c'est béni. Quand il touche, c'est béni. Partout où il passait, c'était béni. Ce n'était pas béni pour lui. Vous avez remarqué ça? C'était pour Potiphar. Mais lui, il était en captivité. Et regardez Daniel, comment il faisait, comment le royaume prospérait pendant qu'il était là. Ce n'est peut-être pas pour lui. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, c'est tout pour nous maintenant. Pour nous. Il faut que Dieu nous fasse voir sa grâce afin que les autres aussi. C'est la compétition avec le monde. Vous allez sortir une maison en étage, ça vous dit que vous êtes trop bien, que Dieu m'a béni. Tournez, vous regardez pour Bill Gates. Vous allez voir ce qu'il en est. Donc ça ne sert à rien de courir ici. Alors maintenant, si vous regardez au-delà du rideau, vous regardez seulement votre douche là-bas haut, si vous vous y lavez. Personne sur la terre ne peut avoir cela. Tous les biens réunis ne peuvent atteindre votre douche là-bas. Même votre pavé pour entrer dans votre salon là-bas. Et pourquoi courir sur les vanités sur la terre? Et il a sentionné que sous le soleil, c'est vanité. Les gens sont fatigués. Je vous pose une question simple. Vous avez entendu parler de Pharaon, Nebuchadnezzar, Ézéchias, David. Montre-moi un terrain qui porte leur nom. Mais d'accord, on dit que voici le terrain de la descendance de David. Montre-moi un seul. Non, j'ai fait ça pour laisser à ma descendance, Ok. La famille de Jésus. On a dit que Marie avait une maison, n'est-ce pas? Joseph, Jacques et autres. Allez à Jésus, montrez un passé, que ça c'est pour Jacques. On a tout pris, pas vrai? D'autres sont les bistrots des mouvements, c'est ceux qui sont dessus. Ainsi sera tous nos avoirs sur la terre. Alors il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Il faut qu'on soit préparé, donc, à ce qu'il vient nous chercher. C'est là où nous nous trouvons. Vous n'entendez pas à d'autres prédications que préparez-vous pour la venue du Seigneur. C'est ça. Tout tourne autour de cela. Donc, il faut se repentir. Tout va tourner autour de lui. Le voilà à la porte. Vous me suivez, frère? Il dit que je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi entrera et sortira et trouvera du pâturage. Verset 8. Verset 9 là. Verset 10 maintenant. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas que vous ayez beaucoup de maisons, beaucoup de champs. Compte là, ce n'est pas ça dont il est question. Je suis le bon berger. Voici quelqu'un qui était à la porte. C'est subitement lui qui est encore le berger. Donc, ce n'est pas lui qu'on entre. Et c'est lui qui est dehors, qui sort, qui marche devant les brebis. Vous voyez l'omniprésence, l'omnipotent de celui-là. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Après, je vais conclure ici. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met en point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, mes chers amis? Le Seigneur Jésus vient de nous dire là que si vous confiez en n'importe qui, si ce n'est pas lui qui est mort pour vous, vous serez déçu. Ce que le Père a dit là maintenant. Vous mettez votre appui sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Si ce n'est pas sur le Seigneur qui est mort et ressuscité, vous avez tout faux. Même si ça semble réussir, même si ça semble prospérer, si ça n'est pas, ça ne tire pas son essence du Seigneur, c'est vain. Il dit que le mercenaire fuit parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il est mercenaire. Parce que le bon brebis, c'est le bon brebis, il défend ses brebis. Vous suivez? Alors je pose donc la question. Avons-nous confiance au Seigneur Jésus-Christ? Avons-nous confiance en notre Seigneur Jésus-Christ? Ou mieux encore, en qui avons-nous placé notre confiance? Est-ce en notre capacité, en notre relation au sens humain, que j'ai telle personne? Est-ce en cela? Est-ce en notre moyen? J'ai de l'argent? Est-ce en outre parce qu'on est, quand on se sent fort, on a le muscle, parce qu'il y a des gens qui vont au miroir et regardent les abdos. L'autre regarde les cellules et dit que je suis beau ici dehors. Est-ce en cela que non, comme je suis trop beau là, c'est là que je vais trouver une belle femme ou bien je vais trouver un bon mari. On fait un peu comme ça. Non, que même si le premier gars va m'épouser. Est-ce en cela, Dieu dit, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Que c'est pas parce que tu es fort là que tu vas faire, parce que tu es intelligent que tu vas avoir du travail, non. Que c'est pas parce que tu es âgé que tu peux gagner une course dans celui d'Ecclésiaste. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Alors, si nous ne comprenons pas ces choses-ci, nous allons commencer à nous laisser conduire par les circonstances. Une situation arrive, on accentue la prière là-bas. Quand ça finit, ça se calme. Une autre situation arrive, on prie. Une autre situation arrive, on prie. Une autre situation arrive, on prie. Les situations commencent à guider notre moyen et notre marche de la foi. C'est une bêtise que nous faisons dans la marche chrétienne. Vous me suivez? Je peux aller dans la Bible, commencer à diffuser pour que vous voyez les situations qui ont traversé les vies des serviteurs du Seigneur dans la Bible. Ils n'ont même pas prié pour cela. Quand l'apôtre Pierre était en prison, à chapitre 12, il n'a jamais prié que le Seigneur, délivre-moi de cette prison. Il s'est couché là, il dormait. Là, il est sorti, il est venu le délivrer. parce qu'il avait une mission. Il avait déjà entendu la voix du Seigneur. Je te ferai pécheur d'homme. Il avait entendu. Alors il sera pécheur, pécheur d'homme. Il avait entendu cela. Vous suivez? Quand Paul et lui, il était en prison, il dit que waouh, on a beaucoup marché. Chantons ici, mais on se prend chantons. Ils ont chanté, c'est la prison qui s'est cassée. Donc c'était plutôt dangereux de les mettre dans une prison. Et le nom seulement, il devait se libérer, c'est tous les prisonniers qu'il libère. Donc s'il le met à Newbel, il fait sauver tout le monde. Y compris les gardiens de prison. Vous voyez, donc ce sont des hommes dangereux. Des gens loin de l'esprit sont des gens dangereux. En qui avons-nous mis notre confiance? Sommes-nous confiants du Seigneur? Alors si c'est oui la question, est-ce que les actions que nous marchons, que nous manions chaque jour et chaque fois, que nous manifestions, témoignent de cela? Il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur, dit la Bible, en silence. Mais pour nous, c'est des chapelets, des murmures, qu'on égrène. Voir ce que tel m'a fait, les larmes sont ici, ça chauffe. Même tel m'avait fait comme ça, l'autre m'a promis comme ça. Seigneur, tu m'as déjà dit comme ça, fait tel nombre, on m'a insulté encore hier que tu sais Dieu. Pourquoi ça n'arrive pas? Ouah, ouah. Ok. Si tu donnes tout ça, ça fait que tu sois en paix. Si vous sortez là, vraiment, vous entrez chez vous, vous ouvrez la porte, vous voyez une mallette comme ça, là, on a ouvert 8 milliards de la part de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que tu vas tomber évanoui devant l'argent là, comme ça, directement. C'est pas ça, mes chers amis. Vous tombez évanoui. Alors maintenant, si vous vous levez et que votre argent est toujours là-bas, vous avez un vrai problème maintenant avec le sommeil. Je vais cacher ça. Vous allez pousser sur le lit, vous dites non. On va détecter, vous sortez comme ça là. Vous savez, les femmes, c'est très simple pour agresser une femme. Quand restez seulement en vie, observez les femmes passées. Celles qui n'ont pas l'argent, vous devez savoir que dans son sang, il n'y a pas l'argent. Quand vous voyez une femme derrière un sac, elle fait là comme ça, vous savez, directement, elle guette comme ça, elle regarde à gauche, à droite pour montrer que quoi, elle protège quelque chose. Elle ne sait pas qu'en faisant comme ça, elle attire donc les gens vers elle. Pourquoi? Parce que l'argent lui a donné l'insomnie. Vous suivez? Tu dors comme ça, tu dors. Qui est là? Quelqu'un toque. Tu ouvres d'abord comme toi. Avant, quand quelqu'un toque, tu dis ouvre, ils ont quoi voler ici dedans? Pourquoi? Parce que tu étais en paix. Tu ne peux plus dormir. Première chose, tu vas aller appeler frère Eli, même si tu ne sais pas faire la menuiserie, même à trois cadenas ici. On met trois cadenas, tu dis non, c'est ceux qui vont casser là-bas. Même le plafond ici, l'embrouille commence. Chaque fois, maintenant, tu vas penser à là, je vais cacher ça où? C'est mis en banque, que la récession tombe maintenant. Tu commences à creuser le fruit de la maison. Quelqu'un toque. Non, le temps que tu caches l'argent, tu t'assois. Vous voyez là où. Alors que si tu as tes 25 francs, quelqu'un entre, tu sais que tu es tranquille. Vous parlez seulement maintenant. Si je vous dis ma part de témoignage, vous n'allez même pas croire. Si je vous dis que depuis mon existence, je n'ai jamais eu 100 000 francs qui m'appartiennent, vous pouvez croire ça? Vous voyez, les regards montrent clairement que vous ne pouvez pas croire. Parce que j'ai fui l'argent. J'ai peur de ça. J'ai peur de l'argent. 100 000 francs. Je n'ai jamais eu 100 000 francs qui m'appartiennent comme ça. 100 000. Je n'ai jamais eu, jamais. Merci au Seigneur pour cela. Donner l'argent à Papa Tani, là, 2 milliards. Papa Tani dit qu'il faut que j'avais son projet qu'il avait oublié depuis. C'est pas ça, Papa Tani. Que tu es où? C'est qu'il va dire que maman a dit de contrôle à l'Assemblée. Pourquoi on ne dit pas que je ne suis pas venu? Je suis pour nous deux. Pendant qu'il construit la maison pour nous deux aussi. Pourquoi les projets vont susciter? Manifestons les projets du ciel. Ne nous laissons pas distraits par ces choses ici. Souvenez-vous de ce que ça nous dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet que vous devez réaliser sur la terre. Je suis de vous l'a dit ici. Les vrais projets que vous devez réaliser sur la terre, ce sont les projets selon la volonté de Dieu. Et comment ces projets s'y viennent? Lorsque vous connaissez exactement ce que Dieu vous veut, vous pouvez faire n'importe quel projet. Pourquoi? Parce qu'Éphésiens 2 dit quoi? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est sur la terre ici, c'est pas en haut. Il n'y a pas de bonnes œuvres en haut. Là, en haut, c'est la fête de toutes ces bonnes œuvres que nous avons faites ici. Les bonnes œuvres, c'est sur la terre. Alors, si nous faisons n'importe quelle œuvre sans le Seigneur Jésus-Christ, nous entachons ça de notre souillure. Voilà pourquoi ils sont venus parler de se tourner vers lui d'abord. Et se tourner vers lui d'abord, c'est pour qu'il sache donc les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, afin que nous les accomplissions. Alors, ces œuvres-là pourront donc témoigner de sa gloire. Vous me suivez? En qui avons-nous mis notre confiance? Nous sommes confiés à qui? Si demain ça chamboule, ce sur quoi tu t'appuies, tu peux t'en sortir? Observez les ministres qui sont en prison. Sur quoi se basaient-ils? Ils avaient la puissance, le pouvoir. En un jour, le gendarme qui te gardait, celui qui dit, monsieur le ministre, sous vos respects, crac, crac, en prison. Le gardien de prison qui te voit aussi à la prison, te voit aussi là comme ça. Là. Lui, il est libre, tu es en prison. Tu vas lui dire que pardon, permets-moi que donne-moi une cigarette là-bas en cachette. Il dit, monsieur le ministre, c'est pas la règle ici. Je vais te donner 2 millions. Tu donnes 2 millions pour un bâton de cigare, un bâton de cigarette. Vous voyez là, l'être humain s'en est réduit. Cherchons la face du Seigneur. Alors maintenant, il y a un problème que nous devons examiner, vous et moi maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? On examine. On examine. Ouvrons dans le livre du prophète alors. Ouvrons Ésaïe 59. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous, cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur, pas pour demander qu'il te bénisse. Cherchez la face du Seigneur, pas pour demander qu'il te fasse, pour que tu sois riche aussi. Que tu aies de la voiture et de la maison, que tu n'aies pas venu accompagner les autres sur la terre, non. Cherchez la face, désirez sa présence pour occulter ce qu'il a à dire de toi. Quand il aura à dire de toi, tu sauras quelle destinée il a pour toi. Mes destinées sont tous entre tes mains, Seigneur. Vous avez vu ça dans votre Bible? Mes destinées sont toutes entre tes mains. Alors maintenant, si ça, nos destinées sont entre ses mains, qu'est-ce que nous voulons faire ici? Pourquoi un prédicateur veut dire que toi-même tu peux changer ta destinée sur la terre? Mais c'est terrible, pas vrai? Que tu peux décider de changer ta destinée. Donc, ce que tu as prévu, tu fais que ça n'accomplit pas. Ésaïe 59. Donc, nous avons vu qu'il faut que nous enlevons tout ce qui crée obstacle à ce que nous entendions sa voix. N'est-ce pas? Verset 1 de Ésaïe 59. Non! Ça veut dire que c'est un mensonge. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est vrai que lorsque nous parlons chaque fois, ce n'est pas qu'il ne nous entend pas. Il veut dire qu'il y a un obstacle. C'est l'obstacle qu'il veut qu'on enlève. Non! La main, Seigneur, je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup. Savez-vous que le moment avant que tu n'entres en souffrance, d'une façon ou d'une autre, il t'a averti? D'une façon ou d'une autre, il t'a averti. Verset suivant. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Donc, qu'est-ce qui nous empêche avec Dieu? Je veux que vous répétez encore ce qui est écrit là-bas. Qu'est-ce qui nous empêche avec Dieu? Les crimes. Crime. Pour ceux qui sont les juifs, vous savez que crime, c'est quelque chose de peine à plus de 10 ans d'emprisonnement. Donc, la Bible déclare que si on veut prendre ça sur le plan du droit camerounais, ça veut dire que vous avez commis des choses qu'on doit vous mettre en prison au moins pour 10 ans. 10 ans en montant, un crime. Est-ce que vous entendez? Dieu n'a pas dit que c'est un délit. Si les délits sont en moins entre 5 ans, c'est quoi? 5 à 10 ans. Les infractions des petites peines, là, moins de 5 ans. Donc, ça veut dire que si nous avons des problèmes et qu'il y a un barré avec Dieu, ça veut dire que, supposons que chaque crime, c'est ceci. Combien d'années nous avons en prison? Dieu dit que, mais c'est les crimes que vous commettez qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc, le verset 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Franchement, ayant vu en clair que bref, c'est que c'est que la méditation, en lisant cette Bible-ci, on désirerait seulement s'enfermer pour résoudre ce genre de problème. Nous sommes d'accord? Au chapitre 1 de ce livre-ci, au verset 17, il a dit, venez et plaidons. Donc Dieu veut qu'on en ait l'intimité pour régler ces problèmes. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. C'est ce qu'il a promis, non? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on vienne pour qu'il expie nos péchés, qu'il efface ce qui crée la séparation. Regardez bien. Il y a la séparation entre nous et Dieu et l'empêche de nous écouter. Il invite à ce qui se passe. C'est lui seul qui peut encore enlever cela. Il dit que nous avons un rôle à jouer. Venir. Nous devons venir vers lui. C'est toi là-bas. Voilà, amène la piscine. Il dit, ce sont vos crimes qui crée une séparation entre vous et votre Dieu. Vous avez vu cela? Après, il dit, ce sont vos péchés. Donc, ces crimes-là, ce sont les péchés qui vous cachent sa face. Mais suivez, frère, sondons nos cœurs. Autant tout ce qui peut créer obstacle entre nous et Dieu. Ce que nous connaissons consciemment, mettons cela de côté. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas. Vous pouvez, parce que depuis que Christ a expié à la croix, la puissance du péché a été brisée. De telle enseigne que la Bible déclare que ne vous livrez pas au péché. Donc, l'être, il vient nous révéler que nous avons la capacité de ne plus nous livrer au péché. La Bible déclare qu'on dise non à ces injonctions. Donc, tu peux dire non aux injonctions du péché. Vous suivez? Vous me suivez, n'est-ce pas? Parce que vous, là où vous êtes, suer, c'est un péché. Si je mets un verre d'acide ici, je fais comme ça, waouh, ça brûle la table. Je dis que si quelqu'un boit, on voit. Vous allez voir, chacun va regarder comme ça, là. Ça ne pouvait pas avoir l'effet sur lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que va boire, va boire, va boire, va boire. Oh, boum, je n'ai pas pu résister. C'est pas ça? Hein? Mais voilà le péché. Mais pourquoi? Parce que tu sais que ici c'est dangereux, là, c'est cash. Quand tu fais peur, ça brûle. Parce que tu sais ça. C'est pour ça que tu sais que si tu. Mais avant que ça n'arrive, que ça va brûler, si tu es fini. Tu vois comme ça, tu dis, hey, non, je ne pars pas là-bas. Mais le péché, c'est que tu vas pécher un peu, tu vas dire, demande pardon, Dieu. Péché parce qu'il n'y a pas de conséquences. Attendez, seulement vous prenez une femme, elle dit qu'il y a le sida. Si, si à l'instant où elle te dit qu'elle a le sida, le désir, elle ne quitte pas rapidement. Que sida, quoi? C'est quoi? C'est quoi? Non. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que c'est qu'il y a un danger de mort. La Bible déclare qu'on rejette cela. Renoncer au mensonge. Dit la Bible, renoncer. Donc, nous avons le devoir de renoncer. Et que chacun dise la vérité selon son cœur. C'est ce que la Bible dit, frère. Donc, on a le pouvoir sur le péché par la puissance du Saint-Esprit. Vous me suivez? Donc, il dit donc que ce sont nos crimes, ce sont vos péchés qui créent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est ce qu'il dit. Après, il dit, car vos mains sont souillées de sang. C'est ce passage maintenant, si elle commence à développer à la lumière du Nouveau Testament. Nous allons voir. Vous voulez qu'on y aille un instant? Ok. Qui ici n'a pas encore tué son frère? Il dit les frères, il ne parle pas de quelqu'un qu'on a tué, enterré. Quelqu'un qui est là parmi nous, qui n'a pas tué son frère ici. Si tu n'as pas tué, levez la main, je vous pose la question, selon ce que verset, si vous voyez ce qu'il en est. Alors, si vous baissez la main, ça se pense que vous avez déjà tué. Nous sommes d'accord. Frère. Ah, comment vous bougez la tête que vous faites comme ça? Amen, amen. J'ai dit, nous sommes en train de nous regarder le miroir. Personne n'est exempté. Parce que quand Dieu parle, c'est pour tout le monde. Le doigt est sur la terre. Chacun de nous regarde en haut. Donc nous tous, nous sommes appelés à cela. Alors je pose la question. Il dit que, car vos mains sont souillées de sang. C'est ce qu'il a dit. La Bible déclare que si quelqu'un hait son frère, c'est un meurtre. Donc il a quoi sous la main? Sang. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il dit, à la lumière du Nouveau Testament, ça devient plus amplifié. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Je déteste la femme là, je déteste quand il la voit, je suis énervé. Tu as un problème. Telle personne m'avait fait du mal pour rien au monde. Je ne peux plus jamais avoir affaire avec lui. Tu as un problème. C'est entaché. Vous voyez ce qu'il en est? Dieu dit. C'est pour ça que je dis, si nous entrons dans la méditation, en commençant à comprendre, suivez du sang. Quels sont le sang que j'ai sous la main? Je commence à méditer. Et il faut que je vienne devant Dieu avec ça pour plaider. Quand il commence à méditer, il commence à voir que j'ai le sourire sur le sang, je vais donner raison à Dieu que c'est effectivement ça qui cachait sa face pour qu'il ne le rencontre pas. N'est-ce pas, frère? Il dit, quand vos mains sont souillées de sang, suivez la suite, et vos doigts des crimes, le doigt, ce qui touche à la finition. Il est 8h30. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vous avez vu ça, hein? Regardez le livre de Pierre. Il dit les frères, il ne parle pas de quelqu'un qu'on a tué, enterré. Quelqu'un qui est là parmi nous, qui n'a pas tué son frère ici. Si tu n'as pas tué, levez la main, je vous pose la question, selon ce que verset, si vous voyez ce qu'il en est. Alors, si vous baissez la main, ça se pense que vous allez la tuer. Nous sommes d'accord. Frère. Amen. Ah, comment vous bougez la tête que vous faites comme ça? Amen, amen. J'ai dit, nous sommes en train de nous regarder le miroir. Personne n'est exempté. Parce que quand Dieu parle, c'est pour tout le monde. Le doigt est sur la terre. Chacun de nous regarde en haut. Donc nous tous, nous sommes appelés à cela. Alors je pose la question. Il dit que, car vos mains sont souillées de sang. C'est ce qu'il a dit. Amen. La Bible déclare que si quelqu'un hait son frère, c'est un meurtre. Donc il a quoi sous la main? Sang. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il dit, à la lumière du Nouveau Testament, ça devient plus amplifié. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Je déteste la femme là, je déteste quand il la voit, je suis énervé. Tu as un problème. Telle personne m'avait fait du mal pour rien au monde. Je ne peux plus jamais avoir affaire avec lui. Tu as un problème. C'est entaché. Vous voyez ce qu'il en est? Dieu dit. C'est pour ça que je dis, si nous entrons dans la méditation, en commençant à comprendre, suivez du sang. quel sont le sang que j'ai sous la main? Je commence à méditer. Et il faut que je vienne devant Dieu avec ça pour plaider. Quand je commence à méditer, je commence à voir que j'ai le sourire sur le sang, je vais donner raison à Dieu que c'est effectivement ça qui cachait sa face pour que je ne le rencontre pas. N'est-ce pas, frère? Il dit, quand vos mains sont souillées de sang, suivez la suite, et vos doigts des crimes, le doigt, ce qui touche à la finition. Il est 8h30. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vous avez vu ça? Regardez le livre de Pierre. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il présente et celle et sa bouche des paroles qu'il aime le bien. Regardez, il dit que les lèvres, le mensonge, regardez, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Tu mens à gauche, tu mens à droite. Grave encore, on ment seulement au nom du Seigneur. Il y a un autre qui était venu me voir avec un cahier, avec l'hymne national que Dieu a donné. Que c'est ça qui va être chanté au Cameroun lorsqu'il sera président. J'ai ça. Il dit, moi je suis dépassé seulement par les événements. Donc il sera le prochain président. Ah, sur l'antenne, quelqu'un me dit, c'est lui qui sera le prochain président. Un autre émission, l'autre dit, c'est lui qui sera le prochain président. Et ça, c'est ceux qu'on connaît. Il y a des autres dans le secret que Dieu leur a dit qu'ils sont les présidents. Dans le même pays. On va diviser au Cameroun comme ça. En plus, chacun aura sa présidence. L'hymne national du Cameroun est écrit noir et blanc. Il dit que l'hymne national, on va changer, c'est parce que ce n'est pas l'hymne national que Dieu veut. Il sera président. Et une femme sera la maman du président. Il dit, vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Regardez ce qu'il dit. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Pas étonnant que quand le Seigneur est venu, il leur a dit, il dit pas étonnant que quand le Seigneur est venu, il leur a dit, si parmi vous, si quelqu'un n'a pas péché, qui jette la première pierre. Quelqu'un a jeté la pierre? Ok. Quand ils étaient en soutane là-bas et que cette femme-là, si on l'avait pris en flagrant délit, parmi les gens, n'est-ce pas, quand on a dit, il regarde. Regarde la femme-là, on a vu avec l'homme. Nous voyons ça à la télévision chaque jour, pas vrai? Tu t'as sorti, tu dis, on a attrapé tel pasteur couché avec l'homme. Que maman, c'est fort ici dehors. Même toi, tu dis, maman, c'est fort ici dehors, non? Ok. Si Jésus te pose la question, et toi aussi, qu'est-ce que tu vas répondre? Il dit que nul ne se plaint avec justice. Seigneur, Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? Ce que je dis, c'est que parmi vous, si tu n'as pas péché, jette. Pourquoi il n'a pas jeté la pierre en disant que moi, je n'ai jamais péché? La Bible déclare que le grand juge de l'humanité, la conscience, subitement l'image de ce que tu as fait revient comme ça. Bam! Tu dis que non, je ne suis pas digne, sors-moi tranquillement. Parce que celui qui, si tu lapides pour adultère, il y a une autre sanction qui attend les gens qui ont fait ce que toi tu as fait. Désirons la présence du Seigneur. Et pour cela, ôtons les obstacles qui peuvent nous empêcher de suivre cette voie-là. Ils sont de nous préparer pour que nous entrions dans le grand thème de la méditation et de la prière. C'est de ça qu'on est en train d'aller. Vous suivez? Désirons sa présence. Cherchons sa face. Cherchons la plus grande des choses que nous pouvons avoir de Dieu. Pas expérimenter les dons spirituels. Entendre sa voix. Parce que tu ne peux ne pas avoir le don spirituel de guérison. Le moment où il veut guérir par toi, il dit avance ta main et impose. Tu imposes, il fait son travail. Vous suivez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Je ne sais pas que vous comprenez. Je suis en train de préparer le grand thème, la prière et la méditation. C'est ça que je suis en train de préparer. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on enlève les obstacles, comme Dieu en a dit ici. Et ça, c'est individuel. Chacun connaît son propre cœur. Le Seigneur dit, il rendra à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et l'apôtre Paul dit dans ce livre de Romains, chapitre 12, verset 16, il dit, c'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile, selon lequel Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes seront jugées. Donc tout ce qu'on fait, on cache. Vous me suivez, frère? Qui désire entendre sa voix? Personne ne peut dire le contraire. Personne. Ok, je pose la question autrement. Qui désire payer le prix pour entendre sa voix? Le nombre de mains a diminué. Alors, entendre sa voix, à notre époque si particulièrement, il nous faut payer le prix. Le prix, c'est dégager de ce que nous avons admis en nous, que ça quitte pour qu'on soit à l'étape où on peut l'entendre. C'est ça le prix. Et s'il reste comme ça, il prend celle-là, je vais manger quoi. C'est ton problème avec lui. Si tu veux entendre sa voix, parle-lui avec ça. Chacun a sa façon de faire. Tu as ta part des choses qui t'attachent. Une femme aura sa part, c'est l'enfant qui va faire. Que la, si l'enfant, je ne t'ai pas accouché, je vais même prendre le temps pour faire. Parce que tu mets là-bas, tu dis, Seigneur, je suis à toi. Waouh! Waouh! Waouh! Tu dis que l'enfant, il n'a pas devenu à demander. C'est ta part de fardeau là-bas. Vous suivez, frère? Donc, chacun ici a sa part, selon le domaine où tu te trouves, tes activités où tu te trouves. Tu dois devoir sacrifier quelque chose. Il n'y a pas deux chemins. Dans ce livre de Marc, chapitre 10, verset 27, Jésus a dit qu'il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Les apôtres ont dit, quoi, Seigneur? Que c'est difficile à ce niveau-là. L'apôtre Pierre dit que, Seigneur, et voici, nous avons, allons-y encore, nous avons, ce qui est bon, c'est que le groupe est constitué des hommes mystérieux. Il y a des gens qui sont mariés dedans. Il y a des travailleurs à l'État là-bas, collecteurs d'impôts. Il y a des gens, il vient seulement, il dit que, tu le regardes. À l'instant, tu le regardes, a croisé son regard. Il dit que, suis-moi. Il dit comme ça, il se tourne. Le gars, il dit pas que si tu te prépares de garder l'argent de l'État, tu laisses seulement là, tu commences à suivre. On ne réfléchit pas que, et demain, il va faire comment? Demain, il ne va pas venir, on va radier mon nom. Ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ça, sa voix. La voix a donné une direction. Je ne suis pas dit qu'allez quitter votre travail. C'est pas ce qu'il dit. Parce que ma voix n'est pas nécessairement sienne. Vous suivez, n'est-ce pas? Mais si m'indique en disant que dis telle chose à telle personne, je le dis avec son autorité. Ils sont allés dire que chacun a un appel de façon différente. J'espère que vous comprenez. Alors, il faut que vous entendiez sa voix. Parce que entendre sa voix vous permettra de vous garder en lui. Vous permettra de vous donner les directives et les directions qu'il veut pour vous. Donc, vous devrez regarder au-devant de lui ce qu'il faut sacrifier. Ça vous dépasse, passez le temps devant le Seigneur, enlève ce qui peut créer obstacle. Dites seulement ça, étant sincère, observez-le agir. Dites seulement et observez-le agir. Seigneur, enlève ce qui peut créer obstacle de ma vie. Enlève, je décharge tout vraiment devant toi. Seigneur, toute ma volonté, je soumets à tes pieds. Si tu dis n'importe quoi, je fasse n'importe quoi, je le ferai, Seigneur. Dites ça en étant vraiment prêt. Parce qu'il va commencer là où tu ne t'attendrais le moins. Et que là où ça va toucher à ta chair. Que tu vas dire que mère, ceci. C'est là où tu vas voir. Alors, nous sommes prêts vraiment à suivre cette voie-là. Il dit ici que, ça, que ses oreilles ne sont pas dues pour entendre. Et sa main n'est pas courte pour sauver. Donc, ça veut dire que s'il veut sauver, il peut sauver. Mais il y a quelque chose. Il ne fait pas ce genre de choses-là hors de sa sainteté. Donc, qu'est-ce qui nous empêche? Il veut dire, sanctifiez-vous. C'est ce qu'il veut dire. Sanctifiez-vous. Qu'on enlève tout obstacle devant mon peuple. Qu'on enlève tout obstacle devant mon peuple. C'est ce que le Seigneur a dit. Qu'on enlève tout obstacle devant mon peuple. Souvenez-vous, toutes les prédications que vous aurez à suivre, si ces prédications sont bien ordonnées, c'est fait pour votre nettoyage. C'est le but. Ce n'est pas pour entendre, pour savoir que je sais ce que c'est que la vérité. Ce n'est pas ça. Parce que la Bible dit la vérité. Et là, si vous vous plongez le regard, n'étant pas un auditeur oublié, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde et va dire, waouh, je connais bien. Le type là, c'est un bon type, il dit la vérité. Ça ne vous servira de rien. Mais il dit, celui qui se mettra à l'œuvre, il dit, celui-là sera heureux. N'est-ce pas ce que la Bible déclare? Dans la loi, donc, n'est pas celui qui lit la loi qui est justifié, mais c'est la personne qui pratique la loi qui est justifiée par elle, parce qu'elle ne vit pas la loi. Il nous faut entendre la voix du Seigneur. Donc ne croyez pas qu'on va mettre la main sur vous, vous allez entendre sa voix. Il a dit que ce sont ses brebis qui entendent sa voix. Donc si vous êtes de ses brebis, il a prédisposé quelque chose à l'intérieur qui va vous pousser à l'entendre. C'est ça. Lorsque vous avez votre téléphone, il y a ce qu'on appelle le récepteur, il y a l'émetteur. L'émetteur, quelque part, les antennes qui envoient quelque chose. Si ton récepteur là est gâté, vous allez avoir le téléphone, allez rester même sous l'antenne, vous ne capterez pas. Vous entendez, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait cet élément là à l'intérieur. S'il y a cet élément en vous, vous saurez tôt ou tard que vous avez des problèmes. Donc peut-être ton téléphone peut avoir le récepteur, mais le problème c'est la batterie. Le problème c'est un court-circuit. Le problème c'est la carte mère. Si la carte mère est réglée, vous capterez à coup sûr. N'est-ce pas, frère? Donc, si vous avez un problème de charge, quand ça va être chargé, quand tu vas regarder, la barre de captage va être pleine. Parce que vous avez le réseau. Donc il faut seulement arranger la panne de ce qui crée ces choses-là pour entendre, pour empêcher de l'entendre. Vous me suivez bien? Alors regardons ici. Verset 11, commençons au verset 11. Nous sommes dans le chapitre 59 d'Isaïe là. Continuons verset 11. Regardez attentivement. On y va. Nous grondons tous comme des ours. Si ce n'est pas une époque de ça ici où chacun fait, chacun se fâche parce que telle personne a fait telle chose. Regardez bien. Il nous grondonne tous comme des ours. Pourquoi? Parce qu'on est effarouché. La Bible déclare dans ce livre de Luc là que l'humanité, les gens seront effarouchés parce que par crainte de ce qui arrivera pour la terre. Ils ne savent pas quelque chose. Il y a toujours des mauvaises nouvelles partout, des mauvaises nouvelles partout. Si tu en fais boum, tu entends boum là, chacun va commencer à dire c'est Boko Haram qui est arrivé à Douala. Regardez. Il dit, nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Vous avez vu ça? Le salut, et il est loin de nous. Car, verset 12, nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Vous avez vu ça? Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos cris. Vous savez comment le prophète parle? Il dit, nous avons été coupables. Après, il va dire que c'est pour cela que l'arrêt de la délivrance est éloigné. Nous tâtonnons en plein jour. Mais Dieu va s'étonner qu'il n'y ait pas de personnes qui intercèdent. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est seulement son bras. Souvenez-vous, le bras. Quand c'est le bras du Seigneur qui se lève comme il se levait dans l'ancien temps. Quand son bras se lève, il prend son épée. Il commence à avancer, c'est pour le jugement. Alors son bras va lui servir d'appui et de justement. Il va prendre la justice maintenant. Comme cuirasse. Donc faisons attention, il faut qu'on examine nos vies pour regarder si nous avons des crimes qui sont devant nous. Il faut qu'on les enlève. Nous devons faire cela, c'est absolument nécessaire que nous le fassions. Vous ne pouvez pas faire ça sérieusement si vous vous laissez distraire. Vous ne pouvez pas faire ça sérieusement sans sacrifice. Vous ne pouvez pas faire ça facilement sans sacrifice. C'est-à-dire quelque chose que dont votre vie en dépend, doit devoir être mise de côté. C'est ça qu'ils sont de le dire. Parce qu'en réalité, si vous voulez voir ce dont vos vies charnelles en dépendent, vous ne pourrez pas les éloigner par rapport au temps que vous avez. Vous allez toujours consacrer les maigres temps aux choses de Dieu. Et pendant ces maigres temps, quantité de vos pensées sera encore dispersée vers ces choses mondaines. Et le reste du temps vers la fatigue. Nous ne pourrons que bâiller en disant, Seigneur, tu sais toutes choses. Et nous dormons. Quand je me mets à genoux, je vois le poids que les serviteurs de Dieu dans l'église emportent aujourd'hui. C'est ce qu'il disait à l'autre personne la dernière fois. J'ai dit que j'ai regardé pour l'apôtre Paul. J'ai observé ces choses. J'ai dit que si l'apôtre Paul, on lui disait qu'il viendrait pour s'y refuser. Je vous le dis. Je dis, en voyant ce que les apôtres Paul ont traversé, en voyant ce que nous sommes en train de vivre, l'apôtre Paul refuserait de venir à cette époque-ci. Parce que je préfère l'époque de persécution. Parce que l'épaule de persécution fait que tu sois en la présence de Dieu chaque fois pour chercher sa face. C'est ça le problème. Quand il y a la liberté et le libertinage, nous sommes sous la grâce. Christ a tout accompli. Et si j'étais avec quelqu'un, un ancien de l'église baptiste, il fume comme ça, il verse devant moi, il dit que mon fils, tout ce que tu me parles là, la Bible se résume en une seule parole. Crois seulement. Avec la cigarette, il fait, par respect, il bloque ma respiration. Il respire comme ça, il croise les pieds comme ça parce qu'il venait de gagner un marché, un contrat de milliards. Et pour fêter ça, il a pris la cigarette. Il dit que je paye ma dîme. La tour de la parole que tu lui dis là, il balance la cigarette devant moi. Ça se résume en ceci, crois seulement. J'ai cru valoir les milliards. Vous remarquez, qu'est-ce que ceux-ci ont les anciens? Comment a-t-il fait pour être ancien de l'église? Il dit que toute la Bible se résume en crois seulement. Tu crois en quoi? Crois seulement. Ton marché est bloqué? Crois seulement. Donc, ça va se résumer sur cela. Vous voyez là où ça se trouve dans l'église. Il dit que j'ai eu à absorber la nicotine comme ça pendant une heure de temps. Parce que chaque fois, il fait pouf. Après, il dit que je prends la poule, aller prendre le feu d'air. Je reviens, il dit crois seulement. Crois seulement. Tu suis n'importe quelle partie de la Bible, il dit que non, tout ce que tu dis, je sais. Mais la Bible dit que crois seulement. Voilà le point où on se retrouve. Nous devons sacrifier quelque chose. Nous avons sacrifié des choses. L'apôtre Pierre dit dans ses Marc chapitre 10, verset 28, il dit, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Le Seigneur Jésus dit, il n'est personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses enfants, ses terres, ses maisons, il dit, à cause de mon nom, ne gagne en ce siècle-ci au centuple des pères, des mères, des sœurs, de ceci, des maisons, virgule, avec des persécutions. Et au final, la vie éternelle. L'autre là, on ne veut pas lire. Avec les persécutions, ça, les gens, ils passent, ils mettent le tout noir, ça pour ne pas voir ça. Il dit qu'il veut les maisons de terre. Jésus a dit qu'on fait des maisons de terre. Il dit que ces choses-ci, ça s'obtient avec des persécutions. Alors, quand tu fuis ici au Cameroun, tu fuis, tu laisses la terre. Tu te persécutes parce qu'on a été poursuivi. Tu arrives quelque part, un chrétien te reçoit dans sa maison. Tu n'as pas eu de terre. Donc, faisons attention. Observons nos vies devant le Seigneur. Enlevons tout obstacle qui peut nous empêcher de l'écouter. Nous devons, je veux que vous compreniez la nécessité dans ce livre de Jean chapitre 10 que nous avons lu. Il veut dire que si nous n'écoutons pas sa voix, nous allons écouter la voix des étrangers. Et très souvent, c'est la voix des étrangers qui nous ont conduits. Dites-moi, vous tous, vous êtes sortis d'un différent milieu. Qui vous y a conduit? Quelqu'un dit, moi, juste parce que m'obécuse que Dieu m'a dit que je suis le chef des chants là-bas. Dieu lui a dit que je suis le chef des chants. Un de ces jours, il s'est dit que je ne suis plus chez ça. Dieu lui avait dit de partir. Il ne lui a pas dit de quitter, mais il est quitté. Parce qu'on est embrouillé. Vous me suivez? Il est temps qu'on cherche le Seigneur. S'il y a un temps qu'on doit chercher le Seigneur, c'est maintenant. Les apôtres se lèvent. Les apôtres de la Bible se lèvent à ce moment-ci. Eux-mêmes vont encore se recoucher comme ça que Seigneur, je meurs. Je ne veux pas voir cette époque. Je vous le dis. Parce que l'époque de la grande persécution était mieux par rapport à l'époque de la grande séduction. Parce que le vrai problème, c'est ceci. C'est que tu vis, tu lis ta Bible un peu, tu pries, tu as l'impression que tout va bien. Parce que rien ne semble pas te déranger. Parce que peut-être tu sors au travail, tu pars, tu rentres encore sans accident. Parce que tu travailles, ça a réussi. On t'a mis la promotion au niveau du travail. Tu crois que Dieu est avec toi? La séduction. La séduction. Il faut que ça soit secoué. Il te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvé par le feu. Allons seulement dans sa présence et voyez. Allons seulement dans sa présence et voyez. Vous allez entendre des choses terribles que vous ne croyez. Vous ne croirez pas que ça pourrait vous arriver. Alors que Dieu te dise, par exemple, que je te veux à part pour au moins 2 mois sans que tu ne sortes. Toi que ton pied marchait toujours comme pour un chien. Tu vas confirmer ce qu'il en est. Je vais faire comme avec la Seigneur. Et je vais faire comme nous sommes trop intelligents maintenant. Je vais faire comme avec la BRS. Je vais faire comment? Dieu fait comme ça, il ne te parle plus. Tu dis n'importe quoi, il ne parle plus. On te chasse là-bas, on met les gens dehors. Est-ce que c'est même Dieu qui m'a parlé? C'est lui qui a l'œuvre. Tu vas commencer à comprendre. Ils étaient errants sur la terre. Eux dont le monde n'était pas dit. Ils allaient dans le ventre, dans les entres de la terre. Vous allez commencer à comprendre ce que ça veut dire. Vous allez commencer à comprendre ce que ça veut dire. Vous avez aimé même le dupliment de vos biens parce que vous attendiez ce qui est meilleur. Vous allez entendre ce que ceux-là ont vécu. Donc le confort que nous avons aujourd'hui, c'est un handicap pour notre foi vivante. Le confort que nous avons aujourd'hui, c'est un handicap pour notre foi vivante. Parce que ça nous pousse à confesser notre foi comme étant vivante lorsque les biens matériels nous arrivent. Pourtant, nous savons tous que cette foi-là implique le domaine spirituel. Nous savons tous que cette foi-là implique le domaine spirituel. C'est le spirituel qui doit d'abord régner, dominer sur nous. Pas le matériel, gouverner sur nous et nous baigner de ces huiles boueuses. C'est ça. Si ce n'est pas comme ça, la vie de foi, on va avec la cigarette, je crois seulement. Crois seulement. Nous sommes sous la grâce. Et la grâce, la période de grâce nous enseigne de faire attention, de ne pas mépriser la grâce. Elle nous enseigne à renoncer. C'est ce que l'enseignement de la grâce, n'est-ce pas? Donc, sous la grâce, l'enseignement, c'est renoncer. Renoncer. Donc, si on faisait quelque chose, qu'on ne le fasse plus. Renoncer aux mondanités et à la convoitise. Renoncer à toutes ces choses. On doit renoncer. Donc, il doit y avoir une séparation. Nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Donc, on n'a plus besoin de dire ceci. On n'a plus besoin de dire ceci aux gens. On peut dire ceci. C'est écrit dans leur cœur. C'est écrit dans leur cœur. Pourquoi ils ne commettent, ils ne font pas, ils ne font pas? Vous vous souvenez dans ces Éphésiens 4, nous avons lu le Seigneur de ces jours. Il dit, voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devrez plus. C'est un ordre. Vous ne devez plus marcher. Le style de vie doit changer. N'est-ce pas, mes chers amis? Qui est prêt à s'engager? Ça doit prendre maintenant les décisions. C'est maintenant que ça doit être pris. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à aller devant le Seigneur? Qu'il vous y conduise. Qu'il vous y conduise. Mais souvenez-vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce Jérémie qui osera de lui-même se présenter devant toi, ô Éternel. Souvenez-vous. Que le Seigneur te bénisse.